طب انا امس قول المصنف ان يجعلك ممن اذا اذنب استغفر، ان يجعلك ممن اذا اذنب استغفر. نعم. ومن وراء ذلك الدعاء فوائد جمة، إذ ليس هناك على وجه الأرض من هو معصوم من الذنوب، ما هناك معصوم، إنما العبرة بالمبادرة إلى التوبة إذا صدر من العبد ذنبا أو ذنبا. نعم. وما هو الفرق بين التوبة والاستغفار عبد الكريم؟ التوبة هو جاء في إذا فعل المعصية. التوبة لا يصدر إلا بعد المعصية، فإذا قلت تبت فبمعنى تتوب من معصية قد وقعت، والاستغفار قد يكون بعد الذنب أو في أي حال. تمام. Donc la première différence qu'on avait vue, c'est que le tauba, c'est une, la demande de repentir, c'est une chose qui arrive après le péché, après la venue du péché. Tandis que l'estighfar, c'est une chose que tu peux faire après la venue d'un péché, ou même à n'importe quel moment. Tastaghfirullah. Même si tu n'as pas fait de péché. Tamam. Wa kadhalika at-tawba huwa ar-ruju' ila Allah 'azza wa jall wa al-iqla' 'an adh-dhanb. At-tawba, c'est le fait de revenir repentant vers Allah 'azza wa jall et de se débarrasser du péché dans lequel on se trouve. Tandis que l'istighfar, Al-Karim, ma hu? الاستغفار هذا الاستغفار أن يطلب العبد الستر، يعني الاستغفار c'est le fait de demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala cache nos péchés et nous protège de leur mal, le mal de nos péchés. هذا هو الاستغفار طلب الستر والوقاية من الذنوب. نعم. وذكرنا أنه كمثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا؟ On a vu que c'était comme l'istighfar et tawba, c'est à peu près comme la définition de l'islam et de l'iman, du iman. C'est-à-dire que l'islam et l'iman, s'ils sont rassemblés dans une même phrase, ils ont pour sens, ils ont chacun un sens particulier. Et s'ils sont séparés, alors chacun englobe le sens de l'autre. تمام وكذلك في الاستغفار والتوبة مفهوم فإذا قلت أستغفر الله فبمعنى أنك تتوب إلى الله وتطلب منه الستر والوقاية من ذنوبك مفهوم نعم طيب celui qui fait tauba d'un péché par exemple il fait tauba sur le péché du vol par exemple mais il continue à faire des péchés comme la vente de drogue ou il boit de l'alcool ou autre est-ce que lui, son tawba du vol, il a accepté? Non, parce que c'est une condition d'arrêter tous les péchés. C'est le péché en soi qu'on s'est rendu comme dans l'arrêté. Naam, ala sahih. Naam. Son tawba, il a accepté par rapport au péché dont il s'est repenti, qui est le vol. Même s'il continue d'autres péchés. طيب لكن اذا كان التوبه النصوح التوبه النصوح نصوحه ما معنى كسي كنيس كوال سونس دو توبه النصوح توبه النصوح voilà c'est celui qui se repent de tous les péchés c'est celui qui se repent de tous les péchés alors lui son toba il sera pas accepté jusqu'à ce que il ait délaissé tous les péchés ça va. Mais s'il se repent que d'un seul péché, alors Inch'Allah, son tawbah, il est maqboulé. Voilà, c'est vrai. Taïf. Tu fais déjà des péchés. Tu fais déjà des grands péchés, alors. Naam. Les grands péchés, les petits péchés, ils se repentent tout. Non, mais il n'a pas l'intention de les refaire. Ah, parce que parfois, tu peux faire... Non, mais tu peux retomber dedans. Ouais, ouais. Tu n'as pas l'intention de... Ouais, en fait, نعم. يعني العبرة هو في الحال. أما المستقبل ليس لك شأن. Toi, ce qui t'importe, c'est le au moment où tu fais ton tawbah. Après, si tu retombes dans le péché, ton tawbah, le tawbah que tu avais fait, il sera quand même accepté, mais tu devras refaire un tawbah par rapport au péché. نعم. طيب. وهل يشرع الاستغفار عند الذنب فقط؟ Est-ce que l'istighfar, on doit faire l'istighfar seulement après un péché? On a donné un peu la réponse. Après la salat déjà. On peut le faire en tout temps. En tout temps, naam. La carte chez Anne? Ouais, en tout temps. En tout temps. Mais il y a des temps où c'est mustahab de le faire. Comme? Après la salat. Ba'd al-salat. Lianna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kane yastaghfirullah. Comme? Salatan. Après la prière, obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de demander pardon à Allah azza wa jal trois fois. Naam. Wa kadhalika 'inda khawatim al-a'mal as-salihah. Et aussi lorsque tu termines une œuvre pieuse. Peu importe l'œuvre. Il est bien de demander pardon à Allah azza wa jal. Naam. Comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il terminait la prière et il faisait istighfar. Wa kadhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amara nabiyahu bil istighfar aqiba da'watihi ba'da an balagha ar-risalah atamma at-tabligh wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ba'da an dakhala an-nas fi dinillahi afwaja. Fa qala Allah subhanahu wa ta'ala idha ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر ثم استغفر أو واستغفر إنه كان توابا. نعم. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في دين الله أفواجا بماذا؟ بالاستغفار. Et en vérité ça montre la le tawadu de la personne et ça le pousse au tawadu à faire preuve d'humilité lorsqu'il termine une œuvre, peu importe quelle œuvre, si c'est Qiyam al-Layl, si c'est une sadaqa, si c'est ayy amal al-bir yastaghfirullah, il demande pardon à Allah Azza wa Jal parce qu'il ne sait pas déjà si cette œuvre là il l'a bien fait. Wala shakka anna l'insan لا يبلغ درجة الكمال. C'est sûr que l'être humain ne peut pas atteindre la perfection dans ses œuvres. Il y a toujours des déficiences dans ses œuvres. Enfin, lui, il demande pardon à Allah Azza wa Jal. عسى أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. يتقبل منه. نعم. Il y a un nombre de fois. لا. Le prophète Azza wa Jal كان يقول أستغفر الله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. Le prophète Hassan dit, j'ai demandé pardon à Allah Azzawajal en une journée plus de 70 fois. Non. Plus de 70 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre défini. Donc, quand tu dis après une œuvre pieuse. Oui, il n'y a pas de nombre défini. Tu peux dire une fois, deux fois, trois fois. Akthar min dhalik. La basse. Non. L'imam Sa'di, il dit au sujet du verset où. الله سبحانه وتعالى يبارد إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Lorsque Ibrahim il a construit الكعبة avec Ismaïl, dès qu'ils ont fini de monter la maison, ils ont dit ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا. C'est-à-dire qu'ils ont terminé de construire la maison. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Et l'imam Sa'di dit وَلَمَّا كَانَ الْعَبْدُ مَهْمَا كَانَ لَابُدَّ أَنْ يَعْتَرِيهِ التَّقْصِيرُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوْبَةِ. Donc il dit lorsque l'être humain, peu importe son rang, peu importe son statut, peu importe son œuvre, c'est sûr qu'il sera amené à avoir des déficiences. Donc il est dans un besoin de demander quand même le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pourquoi ces deux prophètes d'Allah Azza wa Jal ont demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Taïb. Min bab al-fa'ida. Ba'ab. Sanadkur ba'ab. Athar al-istighfar wa tawba. On va évoquer quelques effets de l'istighfar. Qui connaît certains effets de l'istighfar? Sabab al-risq. Naam, sabab al-risq, l'istighfar. Plus tu multiplies l'istighfar, plus Allah subhanahu wa ta'ala il te comble d'un risque wasi'. Naam, wa kadhalik. La réussite. نعم لا réussite ولا لا معيشة طيبة نعم لا bonne vie aussi عليك السلام نعم لا récompense la récompense quelle récompense يا عثمان le pardon des péchés mais il y a encore une plus grande récompense de l'istighfar al-jannah. الجنة الاستغفار سبب لدخول الجنة نعم و نعم le fait de s'éloigner du feu l'istighfar c'est une cause طيب donc le plus important la plus ou l'effet le plus important de l'istighfar c'est le fait qu'il fait rentrer au paradis comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans surat Ali Imran verset 135 et 136 de surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walladhina idha fa'alu fahijatan aw zalamu anfusihim dhakaru Allah wa astaghfaru li dhunubihim. Ceux qui ont commis une perversion ou qui ont été injustes envers eux-mêmes, ils évoquent Allah ou se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah. Et qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Et ils ne continuent pas à rester dans leurs péchés. طيب Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة. هذا هو الشاهد. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à ces gens-là qui sont tombés dans le péché mais qui sont rappelés d'Allah Azza wa Jal et qui ont demandé pardon, Allah subhanahu wa ta'ala il leur accorde le paradis et il leur pardonne leur péché. نعم. وكذلك الاستغفار سبب لمحبة الله عز وجل. Le fait de multiplier l'istighfar, c'est une cause de l'amour d'Allah Azzawajal pour le serviteur. C'est quoi le dalil? أحسنت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم وسيان سبب كذلك سيان كوز الاستغفار de repousser le châtiment d'Allah عز وجل c'est une cause qui repousse le châtiment d'Allah عز وجل لقول الله عز وجل dans سورة أنفال verset 33 الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الله سبحانه وتعالى n'est point à châtier, c'est-à-dire les mouchriquins, alors que tu te trouves au milieu d'eux. Là, il parle de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors que tu te trouves au milieu d'eux. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est point à châtier, à les châtier, tandis que ils recherchent le pardon d'Allah azza wa jalla. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْاِسْتِغْفَارَ يَدْفَعْ عن صاحبه العذاب طيب وكذلك الاستغفار سبب للحياة الطيبة le fait de multiplier l'istighfar c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse vivre une bonne vie نعم قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى نعم et repentez-vous à votre seigneur il vous fera vivre une bonne vie il vous fera vivre une bonne vie فالاستغفار له فوائد كثيره الاستغفار له فوائد كثيره ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه اكثر من 70 مره في اليوم الواحد نعم. طيب وكذلك الاستغفار سبب لزيادة القوة ها الجسدية وكذلك الإيمانية le fait de multiplier l'istighfar c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va te rajouter de la force et c'est pas non seulement c'est pas de la force corporelle. C'est pas que de la force corporelle, mais c'est aussi de la force ma'nawiyya. C'est-à-dire. Mental ou. Ma'nawiyya, c'est plus. Ma'nawiyya, c'est. Contraire de hissi. Hissi, c'est corporel, yani sensoriel. Le contraire de sensoriel Moral. Abstrait. Al-Muhim. Tafhamoun. Donc, en gros, Naam, Kala et le Dalil, comme quoi ça rajoute de la force physique et autres, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Ya Qawmi, ou l'un de ses prophètes dit يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم Ô mon peuple, demandez pardon à Allah Azza wa Jal, il vous enverra du ciel une pluie abondante et il rajoutera à votre force de la force. Il rajoutera à votre force de la force. نعم. وكما قال عثمان, c'est un sebab de risque aussi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué dans Surat Nuh, versets 10 et 12. Naam. Donc avec ça, on a terminé les premières du'a qu'a effectué l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab les qari hadhihi al-risala pour celui qui va lire cet ouvrage. Qui c'est qui a appris les du'a de... Qui c'est qui les connaît par cœur? Je l'ai dit. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. An yatawallaka. An yatawallaka fi dunya. Wal-akhirah. Wal-akhirah. أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان من السعادة. أيوة عنوان السعادة. أحسنت. نعم وفعلا يا أخوة ما أجمل من هذا من هذه الكلمات. L'imam juste après il dit car celui qui a atteint ces trois choses, c'est-à-dire si on lui donne, il remercie. Si il est éprouvé, il patiente. Et s'il tombe dans un péché, il demande pardon. Il dit car certes ces trois choses sont les clés du bonheur. Sont les clés du bonheur. Na'am. Wa min bab al-fa'ida محمد بن عبد الوهاب أخذ هذا الكلام ممن من العلماء من ابن القيم في أي كتاب حسن فوائد مفتاح دار السلام لا هذا ولا هذا الوابل الصيب تعلمون هذا الكتاب تعرفونه الوابل الصيب c'est un livre sur les arcades de l'imam ibn al-qayyim. المهم شيخ محمد بن عبد الوهاب il a pris de ce livre là les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim et les a tant soit peu modifiées. نعم mais sinon c'est les mêmes paroles. طيب قال بعد ذلك واعلم ارشدك الله لطاعته. Donc là c'est encore une nouvelle dua du cheikh lorsque il dit واعلم اعلم. Pourquoi il dit « I'lam » Pour attirer l'attention du lecteur. Na'am. « I'lam arshadaka Allahu li ta'ati » Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. « Wa ta'atullah ma'roufa »« Huwa l'imtithal bi awamira »« Wa ijtinab nawahi » L'obéissance d'Allah, ce n'est autre que la soumission à ses ordres et l'éloignement de ses interdits. Na'am. ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. Sache que la Hanifiyya c'est la religion d'Ibrahim. نعم. وإبراهيم ابن من؟ عندك؟ آزر. نعم. إبراهيم ابن آزر. نعم. وأبوه مسلم ولا كافر؟ كافر. نعم. ومحمد عليه الصلاة والسلام أبوه مسلم أو كافر؟ كافر. نعم. فانظروا إلى حكمة الله في خلقه حيث يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وإلى سجس الله سبحانه وتعالى إلى في sortir les deux meilleures créatures qu'est porté la terre, c'est-à-dire Ibrahim et le prophète alayhi salatu wa salam Muhammad, il les a fait sortir d'une ou de personnes mécréantes qui sont morts mécréants. Falillahi al-hikmatu al-baligha. Donc c'est à Allah qu'appartient la sagesse suprême. Na'am. Wa Ibrahim hadha yusamma أبو الأنبياء ويلقب plutôt on lui a donné comme surnom le père des prophètes. نوح قبل إبراهيم ولا بعده يا ليس قبله. طيب فإذا نوح أبو إبراهيم. نعم فلماذا نقول إبراهيم أبو الأنبياء؟ لأن من ذريته الأنبياء الكبار مثل عيسى وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وإسحاق. جميل جميل. لأن بعده كل الأنبياء منه. après إبراهيم après l'époque d'Ibrahim hein après la venue d'Ibrahim tous les prophètes qui sont venus après lui ils sont tous de sa progéniture. كما قال أخونا ليث إبراهيم محمد وعيسى وموسى وإسحاق ويعقوب ويوسف وماذا؟ يعني جل أنبياء، كل الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل من إبراهيم، بعد وقت بعد زمن إبراهيم كلهم منهم، فلهذا سمي أبو الأنبياء، أبو الأنبياء من باب الأغلب. نعم. طيب قال دونك إبراهيم سي le père des prophètes, car tous les prophètes qui sont venus après lui sont de sa descendance. Il a été nommé comme ça dans la Sunna, ou c'est par la suite les savants et après comme ça? Wallahi, ma... يعني يعني هو سمي أب في القرآن، ها في القرآن، ملة ملة أبيكم إبراهيم، ها في سورة الحج أيضا، لكن أبو الأنبياء ما أدري. طيب طيب واعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية هو الإخلاص أو إخلاص الدين لله عز وجل، وهي ملة إبراهيم وسائر الأنبياء. Donc tous les prophètes, leur religion c'est la hanifia, qui n'est autre que la religion de l'ikhlas. تمام. Tous les prophètes ils sont tous sur cette même religion. نعم. طيب. و العبادة من يعرفها؟ تذكر تعرف العبادة؟ La définition de l'ibada. Hein? C'est un mot qui englobe tout ce qui est tout ce que la M apparemment cachée comme parole et acte apparemment caché. نعم. Un mot qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime comme œuvre. Comme œuvre ou parole apparent ou caché. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Na'am. Wa al-ibada kama ta'rifun laha shartan ithnan. Elle a deux conditions. Ismail. الإخلاص والمتابعة، أن يكون العبد مخلصا في عمله وعبادته لله عز وجل، وأن يكون متبعا لنبي الله. نعم. طيب ثم قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Et sache que l'adoration ne se nomme pas adoration si ce n'est si elle comprend ou si elle englobe le tawhid. Le معنى الإخلاص. طيب وأنتم تعرفون أن التوحيد طبعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد ماذا؟ الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب الأنبياء جاءوا بأي توحيد يا صاحب؟ بالتوحيد الألوهية. بتوحيد الألوهية. نعم. نعم. فالتوحيد الألوهية يشمل التوحيد الثلاثة. تمام؟ وليس العكس. نعم. وهناك فائدة جميلة وبها نكتفي. في حقيقة التوحيد الإمام المقرزي يقول حقيقة التوحيد donc là c'est une faïda sur la concrétisation ou qu'est-ce que le tawhid concrètement. Il dit, فإن التوحيد حقيقته أو حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائل. نعم. Il dit que le tawhid, en vérité, c'est que tu vois et que toutes les choses qui t'arrivent, elles proviennent d'Allah Azza wa Jal. Hein? Que toutes les choses qui t'arrivent, elles proviennent d'Allah Azza wa Jal. Et le fait que tu vois ça, ça va te priver de te tourner vers autre qu'Allah Azza wa Jal. De te tourner vers les gens, vers les créatures. Mais au contraire, ça va t'amener à te tourner vers Allah Azza wa Jal. فَلِهَذَا تَجِدَنَّ الْمُوَاحِدِينَ أَعْظَمُ النَّاسِ اطمئنان في الحياة الدنيا وإن كانوا فقراء وإن كانوا في شدائد وزلازل هم مطمئنون بماذا؟ بما أعطاهم الله من القرآن والسنة والطاعة والعبادة. نعم. Donc le fait de, pour concrétiser le tawhid, il faut vraiment yani, voir que tout ce qui nous touche, à droite ou à gauche, devant nous ou derrière nous, ça ne provient que d'Allah Azza wa Jal. فَإِذَا كَانَ مُسِيبًا نَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِالتَّوْبَةِ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ عَلَى مَا مَنَّ وَرَزَقْ. Donc si c'est une épreuve, c'est un malheur qui nous touche, on revient à Allah Azza wa Jal. En se repentant. Et si c'est un bien qui nous touche, on remercie Allah Azza wa Jal et on ne s'en vante pas. Na'am. Wa naktafi bi hadha al-qadr fi hadha al-dars. Hier, on n'avait pas terminé de lire les